Chapitre 24e. Le lendemain, à 9h, André vit entrer Langlois dans sa chambre. Cette émotion nouvelle, venant après les 2 mois de prison préventive qu'il venait de subir, avait singulièrement affaibli le jeune ingénieur. Langlois lui avait proposé de remettre l'entrevue projetée, mais André avait insisté, et son ami s'était contenté de lui donner un cordial énergique afin de lui conserver des forces pendant cette journée qui menaçait d'être pénible. La nuit, d'ailleurs, ne lui avait pas paru longue, car il l'avait passée tout entière à réfléchir sur l'étrange situation qui lui était faite, et le docteur le trouva, sinon apaisé, au moins plus calme qu'il ne l'aurait cru. « Je t'ai dit hier soir, fit André, que j'aurais mieux aimé une condamnation. Je le répète ce matin. Si cruelle que fût la peine, elle ne saurait être plus que le destin qui m'attend. Et toi, que viens-tu me dire ?» Langlois secoua la tête. « Marguerite, insista André. « Elle pleure, » répondit le docteur. « À dater d'hier, elle se considère comme veuve. Elle m'a chargé de te dire qu'elle t'aimerait toute sa vie et qu'elle ne te reverrait jamais. » André ferma les yeux et garda le silence. C'est en effet ce qu'il attendait. Mais tant que l'arrêt n'avait pas été prononcé, il avait eu une lueur de je ne sais quel espoir indécis. « Jamais, » répéta-t-il après un moment. « Jamais. Enfin, nous mourrons peut-être. » C'est une consolation. Langlois lui serra la main. Il pouvait comprendre un tel vœu, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il comptait sur le temps pour calmer cette douleur, maintenant trop vive pour admettre le moindre raisonnement. « Qu'as-tu décidé au sujet de Rose ?» demanda-t-il un instant après. « Rien. Je veux te demander conseil. Je ne sais absolument pas à quoi me résoudre. Il est certain, malgré tous ses torts et quels qu'ils soient, que je lui dois de la reconnaissance pour être revenu me tirer de ce mauvais pas. À mon point de vue personnel, elle est loin de m'avoir rendu service, mais aux yeux du monde, je serais un monstre d'ingratitude si je ne lui témoignais pas quelques égards. Qu'en penses-tu ? C'est aussi mon opinion, dit Langlois d'un ton froid. La question est maintenant de savoir jusqu'où doivent aller ces égards et en quoi ils doivent consister. Le docteur resta silencieux. « Eh bien, fit André avec une impatience nerveuse, tu n'as rien à me conseiller ?»« Je crains, dit Langlois, d'une voix mesurée, que tu ne sois contraint par l'opinion publique de reprendre ta femme avec toi. » André frissonna et se leva tout d'une pièce. « Cela, fit-il d'une voix étranglée, ce serait le pire des supplices. »« Bien entendu, reprit le docteur, cette réunion ne serait qu'apparente et momentanée, mais l'opinion publique est tout à fait dans ce sens-là. Et toi, tu es d'avis que je me soumette à cette effroyable existence ?» Dans l'intérêt de ma belle-sœur, je crois que c'est nécessaire, répondit Langlois en regardant son ami bien en face. André baissa la tête. Ce n'était que trop vrai. Le nom de la jeune fille à l'occasion de laquelle il avait évoqué ses dangereux souvenirs avait été prononcé dans le public. Pour sauver de la calomnie la réputation de Marguerite, il n'était en effet qu'un moyen, feindre avec Rose une réconciliation qui fermerait la bouche aux médisants. Et si elle ne veut pas, dit-il enfin, Rose ? Il est probable que, de même que nous, elle a prévu cette nécessité. Les deux amis restèrent longtemps sans se parler. Tant de choses flottaient dans leur esprit qu'ils ne savaient que se dire. « Si je voyais Marguerite seulement 1 minute, » dit André d'une voix suppliante, « cela me donnerait du courage pour subir cette nouvelle épreuve. » Langlois fit un geste de dénégation. « Ne crois pas cela. Tu y perdrais tes forces. » André se leva et se redressa de toute sa hauteur. « Allons !» « Puisqu'il faut en passer par là, autant le faire tout de suite. Tu m'accompagnes, n'est-ce pas ?»« Je le voudrais, » fit Langlois avec regret. « Dans la situation particulière où je me trouve vis-à-vis de ta femme, c'est impossible. Pourquoi ?» Le docteur reprit tout à coup l'air glacial et impénétrable qu'il revêtait lorsque les sentiments secrets de son cœur se trouvaient en jeu. « Je suis en quelque sorte responsable de sa fuite, » dit-il. « Tu sais que je l'ai contrecarré plus d'une fois dans ses projets de liberté. » Elle doit m'en avoir gardé rancune. Même dans le cas où je me tromperais, comme je ne puis nullement, en aucun cas, lui rappeler des souvenirs agréables, il est plus sage que je m'abstienne de me présenter devant elle. « J'irai donc seul, » fit André avec un soupir. Ils sortirent ensemble, et le jeune ingénieur monta dans une voiture qui passait. S'il s'était retourné pour regarder derrière lui, il aurait vu son ami arrêté au coin de la rue, le suivre des yeux d'un air triste et inquiet. Rose l'attendait avec une sorte de fièvre. non qu'elle désirât beaucoup le revoir, mais elle avait peur de ce qu'il allait lui dire, et en même temps, il lui tardait d'être fixé sur son sort. André entra et la salua comme une étrangère, mais avec une politesse extrême. La jeune femme comprit aussitôt quel serait le ton de leur entretien, et lui indiqua un siège en face d'elle, avec la même aisance que si lui aussi n'était qu'un visiteur ordinaire. Le cœur lui battait, cependant, sous cette apparence de calme, et des deux, André était certainement le moins ému. Ils se regardèrent à la dérobée pendant une seconde. André trouvait Rose vieillie et fatiguée. Son teint n'avait plus cet éclat mat qui donnait tant de profondeur aux yeux bleus, bordés de longs cils noirs. Le rouge et le blanc, la lumière crue du gaz et des lampes électriques avaient détruit le velouté de sa peau, déjà plissé de mille rides imperceptibles. L'air hautain s'était accentué et fait presque impudent. La bouche avait pris une habitude de sourire sarcastique. Ces 3 années comptaient pour 10 ans dans l'existence de Rose Rosier. André réprima un soupir. « Je vous donne la reconnaissance pour le sentiment qui vous a engagé à venir à mon secours, » dit-il lentement, et sans porter les yeux sur elle. « Vous avez agi d'une façon généreuse et je vous assure que j'y suis sensible, malheureusement. » Elle l'interrompit avec une douceur singulière chez elle. « Malheureusement, nous sommes vis-à-vis l'un de l'autre dans une situation si fausse que nos bonnes intentions mêmes se tournent contre nous. C'est ce que vous vouliez dire, je crois. » André fit un signe affirmatif et la regarda sans colère. Elle lui sourit en réponse. « Parlons franchement, » dit-elle. « J'ai eu grand tort de vous épouser, grand tort de vous frapper de ce malheureux stylet. On a parfois des inspirations bien regrettables. Si je l'avais laissé sur mon bureau à Chartres, je vous eusse épargné bien des ennuis. Je commence à craindre d'avoir eu tort de revenir. » Elle le regarda furtivement. Les journaux du matin lui avaient appris que son retour était la ruine des espérances d'André, et elle voulait voir s'il aurait assez de confiance en elle pour lui en parler. « Vous ne pouvez pas avoir eu tort de revenir, » dit André avec un grand effort. « Quels que soient les résultats réels de votre démarche, vous l'avez faite sous une impulsion honnête et généreuse, et cela suffit pour la justifier. » « C'est vous qui êtes généreux, » fit Rose, plus touchée qu'elle ne voulait en convenir, mais vous l'avez toujours été. » Il n'avait rien à répondre, il se tut. Elle resta pensive un instant, tourmentant ses bagues. Tout à coup, elle parla hardiment. « Dites-moi la vérité. Vous regrettez que je sois vivante ?» André fut bien prêt de répondre oui. Puis un sentiment de pitié le prit pour cette femme qu'il avait tant aimée autrefois. Que ce temps était loin. Rose était bien changée, mais moins que le cœur de celui qui avait si passionnément voulu être son mari. « Ne parlons pas de cela, » dit-il. « Pourquoi dire des choses cruelles qui ne servent à rien ? Parlons de ce qui nous attend, voilà ce qui doit nous intéresser. Que comptez-vous faire ?» Rose le regarda, hésita, détourna la tête et dit enfin à voix basse, « Ce que vous voudrez. » Cette fois, André eut peur. Il lui préférait une lutte violente et douloureuse à cette soumission qui le jetait dans un terrible embarras. « Soyons francs, » dit-il, « qu'avez-vous fait depuis ce jour de malheur ?»« J'ai joué la comédie en Amérique, » répondit-elle, « sous votre nom, sous un autre pseudonyme. Personne là-bas ne connaît Rose Rosier, personne. » Il la regarda avec une autre question sur les lèvres, mais il n'osa la faire, elle le devina. « J'ai mené une vie sérieuse, » dit-elle, « respectée, on me croyait mariée. Avec qui ?» faillit dire André, il se retint et continua de la regarder. « Le nom de celui qui passait pour mon mari vous importe peu, » dit-elle, pendant qu'une rougeur étrange et nouvelle montait à son front. « Cette époque de ma vie est restée en Amérique. J'ai fait de longues réflexions pendant le voyage, et je me suis dit qu'il aurait mieux valu vous abandonner à votre destin que de vous rapporter la honte. Quel que soit le passé, il n'existe plus. C'est bien étrange, en vérité, que j'en sois venu à vous dire ces choses et vous à les écouter. Mais nous subissons notre situation, n'est-ce pas ?» « C'est bien étrange, en vérité, » répéta André. Il était trop surpris, trop abasourdi pour se rendre compte de ce qu'il éprouvait. Cependant, il sentait vaguement que 3 ans auparavant, il eût tué Rose sans lui laisser le temps de crier grâce, si elle lui avait parlé de la sorte. Aujourd'hui, il l'écoutait sans indignation, sans dégoût, avec une sorte de tristesse pleine de pitié, comme si elle lui avait raconté l'histoire d'une autre femme et qu'il eût été un autre homme. Entre Rose et lui, il y avait maintenant un tel abîme qu'il se demandait s'il avait jamais été quelque chose pour lui. « Que voulez-vous faire maintenant ? » demanda-t-il pour la seconde fois, incapable de trouver lui-même une solution à son embarras. « Ce que vous voudrez, vous ai-je dit. Du moment où nos deux noms ont été prononcés ensemble, sous peine de me montrer votre ennemi, je dois me soumettre à votre volonté. » Il ne put réprimer un mouvement dont elle devina le sens. « Vous vous dites, continua-t-elle, que si j'avais montré les mêmes dispositions autrefois, bien des malheurs eussent été épargnés. J'en conviens. Mais autrefois, je voyais les choses d'une façon différente, et vous aussi d'ailleurs. » André passa la main sur son front et chercha à rassembler ses idées. « On prétend, dit-il péniblement, qu'après la séance d'hier, nous sommes tenus par respect humain, par je ne sais quoi encore, à vivre ensemble pendant quelque temps au moins, jusqu'à ce que le monde nous ait oubliés. Je vous jure que je n'ai pas l'intention de vous reprendre dans la liberté que vous avez conquise. Cependant, si vous vous rendez à l'avis des gens sérieux qui m'ont conseillé cette démarche... » La voix lui manqua. Après avoir rêvé dans son intérieur la douce figure de Marguerite, se voir condamné à la présence de Rose, c'était une épreuve au-dessus de ses forces. « Si vous croyez nécessaire de me faire vivre quelque temps auprès de vous, je suis prête à le faire, dit-elle. Sans vous occuper de théâtre, insista-t-il. Même sans recevoir mes anciens amis, pour peu que vous le désiriez. Ce serait une condition indispensable. Je m'y conformerai. Je vous remercie, dit machinalement André. Pendant qu'il lui parlait, il se disait intérieurement, c'est pour Marguerite, c'est pour Marguerite. Et la répétition de cette phrase lui inspirait le courage qui, sans cela, lui eût certainement manqué. Nous nous reverrons, afin de nous entendre là-dessus, reprit le jeune homme en se levant. Je vous remercie de vous montrer si pleine de bonne volonté. Je vous remercie, moi, dit Rose, de vous montrer si indulgent. Ce n'est pas de l'indulgence, fit André. C'est de l'indifférence, répliqua-t-elle. Soit, c'est aussi de la générosité. Il se dirigea vers la porte. Elle le reconduisit froidement comme un visiteur étranger. Sur le seuil, il se retourna pour la saluer, et tout à coup elle sentit un grand mouvement en elle, une impulsion violente qu'elle arrêta sur le coup. Elle resta tremblante, le regardant disparaître dans le corridor. « Oh !» se dit-elle, « est-ce que je vais me mettre à l'aimer ?» Elle rentra dans le salon et appuya ses deux mains sur la table du milieu. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» se demanda-t-elle. « J'ai failli me jeter dans ses bras. » Stupéfaite, effrayée, elle médita un instant. « Bon !» se dit-elle en haussant les épaules pour secouer cette impression extraordinaire. « C'est de la pitié. Il est si pâle, si maigre. Il a l'air si malade. Et tout cela par ma faute. Quoi de plus naturel qu'un mouvement de compassion ?» Cependant, elle resta préoccupée, et 20 fois, pendant le reste du jour, elle se reprit à interroger son âme, si subitement et si singulièrement troublée.